du rouge et bleu sur ma vitre. J'entends les pimpons dans ma ville. Je vois ça comme la faucheuse qui navigue. Ça tire les passants comme un film. Y'a du rouge, y'a du bleu sur ma vitre. J'entends les pimpons dans ma ville. Je vois ça comme la faucheuse qui navigue. Ça tire les passants comme un film. Et à l'époque de mon sac qui se pack, j'suis loin des streams et des statistiques. J'suis dans le métro, y'a des uns qui se tapent. À la sortie, y'a des schlacs qui se piquent. J'avais 17 balais, j'ai vu la mort faire des signes et me parler. Elle m'a dit petit, un jour j'viens chez toi. J'comprends mais pourquoi maman touche du bois. Les pieds sur le béton, j'appréciais le parquet. Mais mon talent c'est quoi? Rapper dans l'ombre pour attendre je ne sais quoi. Ce petit dans sa chambre, ils vont rien en tirer. Y'a aucun jour de chance dans son calendrier. C'est noté en gros. Ici on donne, on reprend pas ce qu'on a donné en trop. On se promet amour, on se promet à deux, on se croyait accro. Ici on donne, on reprend pas ce qu'on a donné en trop. Je me connais à pro. Y'a du rouge et bleu sur ma vitre. J'entends les pimpons dans ma ville. Je vois ça comme la faucheuse qui navigue. Ça attire les passants comme un film. Y'a du rouge, y'a du bleu sur ma vitre. J'entends les pimpons dans ma ville. Je vois ça comme la faucheuse qui navigue. Ça tire les passants comme un film.